Patrick Tremblay de Holtec. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Holtec pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Holtec. Ici André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour offrir à tous les citoyens des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Que cette période propice aux retrouvailles vous permette de passer du bon temps avec ceux que vous aimez. Je vous invite également à faire preuve de générosité envers les personnes démunies pour qui cette période est plus difficile. Enfin, je vous encourage à faire vos achats localement pour contribuer à la vitalité économique de notre communauté. Joyeuses fêtes à tous! Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaitent de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivité. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 88-679-3339. On va parler avec évidemment, les nouvelles d'hier font réagir énormément. À partir de lundi, il n'y aura pas de compétition. Il arrive quoi avec les différentes ligues de hockey? On parle avec le responsable du hockey Saint-Lac-Saint-Jean, M. Pascal Bouchard. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, au moment où on se parle, il se passe quoi? On va jouer au hockey en fin de semaine quand même. Okay. La dernière fin de semaine avant le congé des fêtes, là, on continue nos activités comme prévu. C'est sûr qu'on a certaines équipes qui sont arrêtées étant donné que bon, la COVID est rentrée à l'intérieur de certaines équipes, certaines écoles. Donc on a des équipes qui sont arrêtées jusqu'après le congé des fêtes. Mais pour ceux que où il n'y a pas de problème, ben ça joue. Comme d'habitude, là, on les laisse jouer. On a le droit de jouer. Si on a le droit, bon, on le fait. À partir de lundi, la Ligue GMS, la Ligue. Vous allez suivre. La Ligue GMS fait partie du hockey mineur, je pense, hein? Oui, exactement. Oui, ça fait partie du hockey Saglac, la Ligue GMS. OK. Il arrive quoi avec ces ligues-là? Les activités sont suspendues, quoi? Non, les ligues, c'est la même chose. Là, ça continue. Il y a quelques équipes, comme je disais tantôt, qui peuvent pas jouer avec dû au cas de COVID. Mais les ligues, c'est la même chose. Ça continue. Ils poursuivent les activités en fin de semaine aussi. Étant donné qu'on est arrêté. On est limité à compter de lundi, là, surtout pour les tournois. Donc, c'est pour la fin de semaine, ça ne change rien. OK. Donc, c'est quand même une pas pire nouvelle pareille dans les circonstances. Donc, on va suivre ça. C'est sûr que vous autres, c'est jamais à capacité maximale. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, fait qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, j'ai un autre dossier. Je vais te parler du rapport qui a été émis par Hockey Québec. Vous en pensez quoi, vous autres? Le rapport qui a été fait, le comité par Marc Denis, et ainsi de suite. Ben là, à l'heure actuelle, là, ils ont commencé leur rencontre la semaine passée. J'étais en réunion dans le coin de Montréal avec les gens d'Hockey Québec. On a discuté un petit peu. Les comités de travail sont commencés. Il y a plusieurs intervenants qui sont là-dedans. On attend de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça. C'est sûr que, bon, il ne sortira pas de miracle de là. Voilà, je sais pas que ça va être un comité. Ben, il va sûrement sortir des bonnes idées. Il y a des intervenants un petit peu partout qui sont là-dedans. On a été invités à envoyer des mémoires aussi, des réalités régionales, tout ça. Après ça, ben, ils vont tout rassembler ça ensemble, puis on va voir qu'est-ce qui va sortir de là. OK. Jocelyn Thibault, comment tu le trouves comme directeur? C'est une bonne tête, ça. C'est vraiment un bon coup, ça. Très bonne tête de hockey, Jocelyn. Un homme très, très sympathique. Il sait où il s'en va. De notre côté, au niveau régional, en Saguenay, on est très content de sa nomination. Il va nous apporter quelque chose de bien. Il pense beaucoup aux régions. C'est un gars qui travaillait beaucoup avec la région de l'Estrie, au niveau du hockey mineur, très impliqué. Donc, il a une bonne vision des choses. Il veut changer certaines choses. Le bateau est très, très gros à tourner. Il va tourner. Combien de temps ça va prendre? Ça, c'est un point d'interrogation, mais je pense qu'il va amener un vent de fraîcheur là, au sein de la fédération. OK. Ben Pascal, on va suivre le dossier d'après. Alors, le dossier du hockey mineur, j'ai l'impression que ça n'a pas fini. On vit le même film que l'année passée. COVID show saison 2. Fait que on va suivre le dossier et on s'en reparle après les fêtes. Excellent, merci beaucoup. Voilà, donc Pascal Bouchard, le responsable du hockey mineur au Saguenay-Lac-Saint-Jean.